ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. On vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages sur Rachel. Pour les soirées enregistrement de Pas de problème et pour le broadcast. Vous avez un problème? Ils ont un podcast! Yeah! Un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boilly. Salut Frédéric. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, et notre invité cette semaine, Étienne Théberge. Salut Frédéric, salut Martin. Concepteur publicitaire. Oui. Homme à barbe. Oui. Et papa. Deux fois. Wow! Deux fois plutôt qu'une. Je sais pas comment tu fais. Et nous sommes aussi accompagnés de nul autre que Mathieu Bouillon. Salut! Oui. Alors, c'est pour ça que je le garde pour la fin, pour des bijoux comme ça. Bruiteur. Oui. Vous trouvez pas bon. Que le public des passages est vraiment tranquille ce soir? Oui, très tranquille. Ouh. Oui, la barmaid et le barmanquin, oui, sont plus tranquilles que d'habitude. Oh. Ah, tu le trouves de ton goût, toi, le barman du... Ben, je l'appelle le barmanquin. Voilà, c'est pas... quelque chose. On est en direct de chez Boilly Boileau. Les productions, le studio lui-même. Le studio lui-même, bravo. Mm. Et il, tu t'es pas. Tu t'es laissé aller sur le buffet, mon Martin. Oui, ben je pensais vous accueillir au départ avec des mets que j'aurais commandés, mais finalement, non, j'ai passé la journée à préparer. Mais je sais pas trop comment appeler ça, là. C'est de la cuisine moléculaire. T'es plus proche, Mathieu, ouais. T'es plus proche. Oui, ben moi, ce que je vois, ce sont des compotes de pommes mottes avec des bretzels dedans. C'est oui. Très bon. C'est vraiment c'est surprenamment c'est bon. Bon. Mmh. Et tout ça est frit. Oui. mais ça a macéré longtemps avant d'être oui, frit. Oui, toute la journée. C'est quand je dis j'ai fait le dit la journée. Mathieu, l'autre fois, quand t'as dit lune en caramel, mel-mel, oui. Ça m'est resté dans la tête là, pendant deux semaines. Ou à chocolat, là. Ah, okay. Oui. Mais bref, hey, savez-vous c'est quoi, pas de problème? Pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois et qui se sont rendus jusqu'ici, parce que probablement qu'ils se sont arrêtés au buffet, alors, c'est votre dose hebdomadaire de solutions adéquates, loufoques et ou parfois inappropriées. Donc, vous nous proposez un problème sur Facebook ou Twitter ou podproblème@gmail.com. Et eh bien, nous, on en choisit un par semaine et on tente de vous donner le plus de solutions possibles. Et là, je disais ça pour nos auditeurs, mais surtout pour toi, Étienne. Oui, parce que j'ai aucune idée qu'est-ce oui. que je fais ici. Moi, j'étais venu pour le buffet. On m'a parlé de pretzel, de friture. C'est le même. Je suis là, c'est sûr. C'est le même qu'on attire tous nos invités. Oui. Avec de la compote motte. Et oui. Cette fois-ci, le problème nous vient d'une amie. Oui. Mais je pense que Martin, tu l'as devant toi. Oui, je l'ai devant moi. Ouais. Cette amie. Non, pas l'ami, j'ai le problème devant moi. Alors, qui nous vient de un problème qui nous vient de Cybelle Jolicoeur. Est-ce qu'elle en est à son premier problème? Je suis pas certain. Non, peut-être deuxième. Dans la vie, non, mais pas de problème. Mais ben, pas de problème, je sais pas. Ouais. Mais il me semble une fidèle commentatrice de tous nos. Elle est active sur le mur oui, de votre problème. C'est une podophile. Oui, je une crois. Podophile, c'est ça. Oui, un peu oui, ce que je cherchais. Donc, mais, oui, c'est ça. Alors, je vous lis son problème. Oui. Avec ton imitation de Cybelle, oui. D'ailleurs. Je oui, je vais y aller. Vous allez voir, mon imitation de Cybelle ressemble étrangement à Edgar Fruitier. Ah, okay. Très bon. Oh, j'ai un problème. Alors, le problème de Cybelle qui va comme suit. J'ai un problème. Ouvrez la parenthèse. Depuis le temps que j'en cherchais un, ma vie devait aller trop bien. Je pense, fermez je pense la parenthèse. Que c'est comme, depuis le temps que j'en cherchais un, ma vie devait aller trop bien. Ouais, c'est ça. Okay. Merci okay, de faire la voix de Cybelle pendant merci. Que je dis. En tant que fille qui fait beaucoup d'impro et qui participe à toutes sortes d'affaires, je me ramasse administratrice de plusieurs groupes sur Facebook et avec la nouvelle tendance de plus en plus lourde, des grosses publicités frauduleuses, des comptes bidons pis du gros spam, de ventes de souliers et ou financements extraordinaires. Comment faire pour détecter les fraudeurs dans les demandes de nouveaux participants à nos groupes? Amusez-vous avec ça, Cybelle. C'est pas la seule Cybelle quand même à vivre ça, Mathieu. Problème, je pense que, on le vit là. Sur le groupe Facebook, là. Pas de problème. Je vous le dis, si vous nous écoutez, vous voulez joindre le groupe Facebook, écrivez-moi en privé, ça va aller beaucoup plus vite parce que là, à chaque fois, c'est toute une affaire là, d'aller vérifier est-ce que cette personne-là semble vraie. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? As-tu l'air d'avoir plus que deux amis? Exact. Puis, tu arrives sur son compte et tu vois qu'elle est membre de 123 groupes. Mais qu'elle mais a quatre pas amis, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est un bon indice. Oui, c'est un indice. Si jamais tu écoutes. Mais là, ce que tu me dis, Fred, c'est que le groupe Facebook de Pas de problème n'est pas ouvert à tous. Ben, voyons, je vais y aller normalement. Là. La fanpage, oui. Oui. Le groupe, non. Ben, lave-là la solution. Ben oui, mais c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes options dans la fanpage. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce que tu peux faire dans une fanpage? On va débroussailler ça, là, cette affaire-là. OK, parce que moi aussi, je suis perdu là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une fanpage? De toute façon, je vais te mettre admin bientôt, là. Quoi? Oui. Tu vas avoir... Je suis rendu là? Tu vas avoir les mêmes problèmes que Cybelle. Ah yes! Mais tu vas être notre préposé. Pourtant, j'ai pas encore mon initiation, pas de problème. C'est en fin de semaine au chalet qu'on fait ça, non? Oui, oui. 24 heures dans le noir. Des tisons pleins de braises dans le nez. Oh! Solide. J'ai hâte. Non, mais l'avantage d'un groupe, c'est que les gens qui participent vont écrire et puis c'est comme un forum un peu où tout le monde peut lire tout le monde. Tandis que la fanpage, quand t'écris, quand t'es un fan puis t'écris, ça se ramasse dans un petit coin. Ouais. C'est moins visible. C'est moins visible par le reste des membres. Ouais. Donc, c'est pas aussi efficace pour certains ouais. trucs. La fanpage, c'est moins de l'échange. C'est plus je t'aime parle. Toi et je veux voir ce que tu vas me dire. Alors que le groupe, ouais. c'est plus on échange, on discute, on jase. Lorsqu'on crée des events à partir d'un groupe, on peut inviter tous les membres du groupe, mais ouais, pas mais à partir pas, d'une fanpage. Pourquoi? Oui, il devrait en tout cas. Mais non, je suis quand même capable, je pense. Ah en tout cas, toi tu fais des crosses. Non, mais c'est ça. Les avantages du groupe, c'est pas mal ça. Puis... ce qui arrive, c'est que un groupe, ben faut que tu demandes accès. Puis il faut que l'administrateur ou on peut donner le droit à tout le monde d'accepter tout le monde. Là, tu peux avoir un groupe ouvert comme ça ou erreur. Tout, ouais, c'est ça. Là tu laisses dans les mains de tes je sais pas combien de membres la possibilité d'accepter d'autres mondes. Quoique moi, je ferais bien confiance aux membres de Pas de problème. Ben oui, mais parce que c'est quoi le réel problème? Les spams, eux autres, ils s'invitent sur les groupes. Ben, t'es vu? Attends, on va t'en lire quelques-uns. Oui, ben, j'ai vu le gars qui prête de l'argent. Là, j'ai ben, vu on en a plein. Mais ben, en même temps, il y a beaucoup d'argent à prêter. T'sais. Je le comprends d'être un peu partout. Ouais, mais si, admettons, y a-tu quelqu'un qui peut considérer ça comme un vrai service? La fille, là, que sa nièce avait un char à vendre. Ouais. Un char européen. Mais c'est toutes des maudites menteries, là, ceux-là. Là. Tu sais pas, mais tu veux-tu aller voir? Elle a peut-être un vrai char européen. Ouais, quoi. Mais pourquoi qu'ils écrivent toutes avec des formules de politesse? La question, c'est plus pourquoi qu'elle vend ça là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle va vendre ça plus loin, mettons. Mais avoue que c'est drôle, le style. OK, Pauline Gay. T'en as un, OK, oui. Pauline Gay, P-O-L-I-N-E Gay, ben c'est ça. Ma nièce cède sa présente voiture Honda Accord 2.2 ID-Tech à 4500. C'est pas cher, quand même. En tout cas, couleur grise. Non, mais ce qui est le fun, en fait, moi, je pense que dans mes solutions, c'est d'assumer ces pubs-là et après en faire des concours de la meilleure réplique. Parce que c'est drôle, sur le groupe de Pas de problème, on a souvent des bonnes répliques qui viennent après les pubs. Oui. Si c'est pas quelque chose de ben intelligent, c'est ferme ta gueule charrue ou quelque chose ouais. genre. Ouais, ouais, ouais. Ou des fois, nos pas de fil qui sont witty, tu sais, ils réussissent à faire un lien avec le contenu de notre podcast avec la joke. Ça, c'est toujours drôle. Exemple, pour une voiture, on pourrait dire y a-tu une moufette qui pète, qui vient avec ou, ouais, ouais, ouais, c'est ça. Mais la solution serait pas juste d'acheter le char. Tu sais, comme ça, forcément, ils arrêteraient d'écœurer tout le monde avec ça. Prendre les prêts. Oui, prendre les prêts pour acheter le char. Oui, prendre les prêts pour acheter le char. Non, mais tu y vas, t'as vide, ta lessive, là, Linda Gay. Là. Pauline. Pauline Gay, tu y achètes tout ce qu'elle a à vendre. Là. Oui, tu la lessives solide en y achetant toutes. Ben comme ça, si ta lessive sur le groupe, admettons, là, je m'adresse à Cybelle directement, si t'achètes toutes ces affaires sur le groupe de la limonade, ben forcément, elle ne viendra pas t'écœurer sur le groupe des cravates. T'sais? Exact. Exactement. C'est bon. Sinon, une autre solution, c'est peut-être de plus être administratrice puis de laisser d'autres mondes s'arranger avec ça. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, ça marche. Tu t'impliques pas trop, tu laisses les affaires rouler, puis à un moment donné, ben, quelqu'un s'en charge. Ben oui, c'est une bonne affaire. Pis... pas beaucoup le genre à Cybelle, mais c'est, on peut essayer. Cybelle. Non, mais il y a une autre façon, si c'est pas le genre à Cybelle, de laisser aller. Moi, je sais que je suis un peu ce genre-là. Mais de déléguer cette partie-là, d'accepter des membres, parce que tu peux être plusieurs administrateurs, faire « Hey, toi, le nouveau qui veut s'impliquer, comme Martin Boily. Oui. Check si les membres sont des vraies personnes. T'es vraiment... C'était le nouvel administrateur. Mais c'est ce que je fais régulièrement sur le groupe de Pas de problème. Là. Où se recruter une armée de checkers? Là. Ouais. Tu sollicites tes membres du groupe. Là, tu fais qui veut être administrateur pour checker ça, filtrer. Ah. Puis ceux qui sont plus sur Facebook que toi, ben. Ouais. Mais j'avoue que, ouais, tu sais, nommer tout le monde de confiance admin, ça fait que, tu sais, t'as un bon robot à gérer par année, là, tu sais. Quelqu'un s'en occupe tout le temps. Mais sinon, je me dis, là, que, tu sais, tout ce monde-là, là, qui font des pubs frauduleuses, là, ils doivent forcément se tenir ensemble. Donc, ils doivent avoir un groupe Facebook. Des donc, frauduleux. Ouais. Donc, trouver ce groupe-là. Trouver ce groupe-là et leur servir leur propre médecine en les écœurant avec de la bébelle puis de la cochonnerie. Puis des pubs de la limonade. Ou de la renvoyer toutes nos pubs d'impro. C'est drôle. Ouais. Mais il y a des three ways to create a fake book account. Il y a des choses de même. Mais j'ai vu dans un petit article en regardant qu'il y avait 76,3 millions de faux utilisateurs. Aïe, aïe. Oui, et puis Facebook 60. En aurait coupé là-dessus à peu près 15, 9, en tout cas. Ils sont assez efficaces là-dessus, non, hein, Facebook. 15, oui, non, mais, oui, c'est ça. Non, non, mais ils ont réussi à en couper, mais tu sais, c'est ça, là, c'est... Mais je me souviens, Étienne, il y a quelques années, tu sais, quand Facebook était encore à ses premiers essais de marketing, tu sais, vous aviez une idée, toi, puis ton ami, oui, de créer des faux profils. Oui, on avait créé 40 faux profils de toutous pour une vente de toutous dans une boutique. Puis je pense qu'il existe encore, c'est tout. Ah oui? Il y a encore des profils. Mais à l'époque, l'idée avait été. Tu pourrais les vendre, je pense. Ouais. Puis ils étaient amis entre eux. Puis, oui, puis ils se commentaient. Ouais, ils se commentaient. Oui. Ils étaient tous attending à la vente de toutous. Attends, là, c'est quoi les noms des toutous? Ils vont avoir plein d'amis bientôt. C'est loin. Loin, hein? On pourrait retrouver. C'était-tu pour l'atelier toutou? Non, c'était pour la galerie Zone Orange. On les salue? Ben oui, Ben oui, c'est sur Saint-Paul. Et pour Audrey Toutou. Dans le Vieux-Port. Plein de toutous. Ils vendent sorte d'affaires, là. T'es sûr qu'il n'y avait pas Audrey Toutou? Non, il n'y avait pas Audrey Toutou. Je l'ai fait deux fois. Non, mais je rentre. Mais Audrey Toutou, était-tu attendée? Avec Audrey, c'est tout ou rien. Mais souvent, les choses... enfin, là, je vais continuer, si ça ne vous dérange pas le podcast. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Qu'est-ce que... Hey, on va en parler longtemps. Pour l'épisode d'Audrey Toutou. C'est le genre d'affaire qu'on peut pas faire live devant du monde. C'est ça. C'est oui, pas... c'est vrai. C'est ça ouais. qui est drôle. Mais pourquoi t'sais? Pas? Pourquoi pas, parce que le monde sacrerait leur camp en prenant le buffet avec eux. Voyons, un délire d'Audrey Toutou. Audrey Toutou. Que ça dérange de passer 18 à 16 personnes. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Toutou. Audrey Toutou. Donc, Fred, tu disais... Oui, tu disais Audrey Toutou! OK. Non, mais probablement qu'Audrey Toutou est derrière tout ça. Non, mais oui. D'habitude, là, c'est pas... Mais c'est pas une personne par compte frauduleux. C'est souvent une personne pour plusieurs comptes frauduleux. D'ailleurs, les spams là, qu'on recevait par courriel, il paraît qu'ils en ont coupé... j'ai pas les chiffres exacts, là, mais genre vraiment de façon significative... En trouvant le gars en Russie ben qui en envoyait genre 15 millions par jour. Là, ouais, c'est... Le gars qui disait que maintenant que Bill Gates voulait liquider sa fortune. Ouais, c'est ça. Oui. Une larger penis ou je sais pas trop quoi. Ça marche. Hein. Find a degree. C'est vrai? T'as-tu enlarger your penis? C'est gros. C'est gros. J'ai pas deux enfants pour rien. Immense. Avoir su. Mais t'as des plus petits yeux qu'avant. Ils vont chercher. Hein? L'humeur mais bref, c'est, des fois, ça serait... En tout cas, la job de Facebook, ça serait de trouver de spammers. La mère, là. La mère reine. Mais peut-être que c'est ça que Cybelle devrait faire. Trouver ces deux gars-là. Ouais. La reine Borg. Ouais. C'est pour leur donner une passe de la limonade. Pour les occuper un peu. Pour les occuper. Puis ouais. Mais moi, j'ai quand même, quand tes reports là, sont assez efficaces, là, Facebook, sur déliter le compte de quelqu'un, là, tu fais un report, tu dis... ce gars-là envoie de la pub, puis eux autres sont assez bons, là, c'est flushé dans le temps de le dire, puis Je te report. Non, non. Report, moi, pas. Hey, le nombre de photos qu'il faudrait que je remette. Les... Mais je m'étais fait, moi. Oui. J'ai un ami à qui c'est arrivé qui s'est fait reporter, puis son compte a été fermé pendant une semaine pour une photo absurde. Oui, Arnaud, c'est vrai, oui. De quoi? Il tenait une grosse. C'était la photo dans Urbania. OK, ouais, comme, ouais. Tout nu derrière une grosse. Puis, OK. Son compte a été fermé pendant une semaine parce que cette photo-là avait été. Ben, voyons. Était supposément inappropriée. Ouais. Moi, j'avais fait un peu de spam à l'époque où on avait reçu le mondial d'impro, tu sais, puis j'avais voulu comme intéresser des communautés européennes à Montréal, tu sais, communauté italienne à Montréal. En 2008, ça. Ouais, en 2008. Ouais. Fait que puis j'avais comme été menacé, je sais pas trop, là, comme plusieurs avaient reporté que j'avais spammé. Oui, tu avais écrit « On n'est pas sur MySpace! » Oui, genre, je sais pas trop. Facebook, ça avait sonné chez vous. Ouais. Pourtant, tu sais, c'est... Mais ça, moi, c'est une autre solution que je proposerais à Cybelle, ce serait de lâcher Facebook puis de revenir à des bons vieux forums. Ça, oh! Il n'y a plus personne là-dessus, fait qu'il n'y a personne qui va faire du spam. Ben t'sais. Oui, personne va venir t'écœurer sur ton forum. Il y a VK, là, le nouveau, le Facebook russe. Ah, mon Dieu! Okay. Ça, là, ça va être pourri de l'intérieur. Mais il paraît que les jeunes vont beaucoup là-dessus parce que, justement, Facebook, ta mère est là-dessus, donc... T'as plus envie d'être là. Oh. Mais c'est ça qui va tuer Facebook, en fait. C'est qui va faire qu'un jour, Facebook, ça n'existera plus parce que ça a force de nuire à des liens professionnels, avec la famille. Tu sais, tout est trop là-dessus. Maintenant, ça va... C'est ta mère qui va tuer Facebook. C'est ça. Oui, c'est ma mère qui va tuer Facebook. Non, mais c'est vrai, ça va revenir à... Comme toutes les joies dans nos vies, c'est nos mères. Mais vous voyez vraiment la fin de Facebook, vous autres, à court terme? Comme n'importe quoi, à court terme. Quand le monde va se tanner, quand il va y avoir quelque chose de plus cool qui va sortir, le monde va s'en aller vers ça. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ça va mourir instantanément. T'sais, MySpace, Il y a comme changé. C'était la grosse affaire, c'est MSN. ICQ, ouais. C'est des affaires que quand c'était là, on disait jamais qu'on va se séparer de ça. C'était tellement pratique. Facebook, ils sont très, très bien implantés. Je pense pas qu'ils vont mourir incessamment puis ça va pas se faire en une semaine. Mais d'après moi, quelque chose de plus cool va sortir à un moment donné puis qui va occuper plus notre temps. Je sais pas. Facebook 2. Mais Facebook, Viking, non, mais c'est vraiment, ça ressemble à Facebook totalement. Là. C'est VK, puis c'est... Même interface. Mais... Oui, puis je pense, puis il y a pas de censure. Oh, no, fait que c'est l'intimidation. Fait que ta mère sera pas là-dessus. Ouais. Libre ou ta place mère à est déjà là-dessus. Oh, madame, j'ai vu des photos d'elle. Donc, donc un peu comme Vine, là, Vine, tu peux voir de tout là, là-dessus. Là, Oui. Mais juste 6 secondes. C'est ça. Non, mais c'est vrai, je pense que Vine, t'as pas. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Mais tu sais, moi, j'ai peur qu'à un moment il y ait des choses horribles là, sur Vine. Genre, pas porno, mais ouais, tu sais, des. Des têtes coupées, des affaires de même. Ça se pourrait. Mais tu sais, en même temps, tu as droit à tout, mais je pense que ça... Les lois de la vie s'appliquent quand c'est même. C'est ça. Là. OK, ouais, je comprends. Ouais, tu pourrais te faire pogner quand même. Mais c'est qui régit ça? Là? Mettons le Facebook, moi, je report quelqu'un. Là. Ouais. C'est-tu un robot qui va aller déléter la compte ou si c'est vraiment un gars... C'est Wally. Si c'est vraiment un gars qui est là de Facebook à Los Angeles, puis qui va, je sais pas si c'est à Los Angeles, Facebook, là, en Californie. Partout, là, ouais. En Californie, qui regarde, bon, lui, OK, Ginette Gay, Pauline Gay. Bon, qu'est-ce qu'elle a envoyé? Oh, une voiture, parfait. Non, ça doit pas être une voiture, on va aller vérifier. Je vais l'appeler. je vais parler à Pauline, s'il vous plaît. Mais il doit avoir un premier filtre de robot, là, c'est sûr. Puis à un moment donné, ça doit se rendre à quelqu'un. Cette job-là doit être un robot. Mais il y a une façon de voir aussi, c'est tu prends la photo puis tu la mets sur Google Images puis tu risques de la retrouver. Ouais. Ça va tout de suite te sortir n'importe quoi. Il y en a même que... Aussi, il y a d'autres problèmes comme, je sais pas moi, quelqu'un qui prend ta photo pour faire un profil. Là, ça arrive aussi des fois. Puis c'est une autre affaire. Moi, c'est arrivé à des amis comédiens. Je me souviens de Marcelle Dion qui s'était fait faire un faux profil méchant. Oui, effectivement. Ben, c'était pas un faux profil. C'était pas méchant, mais la fille, elle se faisait passer pour Marcelle Dion en commentant les photos, en parlant au monde. À grands coups de fautes d'orthographe incroyables aussi. Mais on pouvait faire ça. Ça, c'est ce que MySpace nous permettait que Facebook nous permet pas. On pouvait se créer un profil, le profil de E-Man ou bien Homer Simpson. Puis Homer Simpson commentait des affaires, puis c'était très drôle. Facebook permet pas ça ou le monde sont juste pas game de le faire? Ben, il y en Facebook a. Facebook permet pas ça. Mais des Homer Simpson, il y en a 1000 là, des profils d'Homer Simpson, mettons. Je pense, non? Je pense que oui. Faudrait checker. T'as peut-être des affaires plus officielles, puis. Cette idée de faire ce podcast-là en forêt. On peut pas regarder. Ouais, c'est l'initiation de Martin. Mais hein. Moi, je pense qu'il y a peut-être une piste d'idée ici, là. La vengeance. Oh! Tu sais, mais en fait, la leçon. Hein? Oui, moi, je l'ai dit tantôt, là. Tu fais quelque chose de tellement gros à cette personne-là que tu as. Tu sais, il faut vraiment que tu la retrouves, tout ouais. ça. Puis je sais pas encore quoi, mais quelque chose de tellement gros que tous les spammers vont s'en parler et vont faire « OK, mais je lâche ça, là. » Ta chatouille, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. T'es ma ta Pauline. Pogne, là. T'es ma Pauline. Une bonne plume, là, tu l'attaches, tu enlèves son bas et tu y chatouilles, là. T'as gâché mon groupe d'impro, je t'arrache les yeux. Mais de devenir ami avec Mark Zuckerberg, justement. Ah! Ouais, là, tu t'insères, tu dis, hey, Marc, j'ai un sub, ça t'a demandé. J'ai un problème avec Pauline. Il y a Pauline Gay. Pourrais-tu t'arranger pour y envoyer le pire virus? Je fais Marc. Okay, vas-y. Oui, est-ce que je peux parler à Mark Zuckerberg, s'il vous plaît? Yes, that's me. Oui, Mark. Like? Oui, c'est Martin Boily de Pas de problème. I like that. J'ai un problème à te confier. Yes, I like. J'aurais besoin que tu supprimes le profil Facebook d'une dénommée Pauline Gay. You don't like. Non, je l'aime pas du tout. Et puis, il faudrait déléter parce qu'elle spam sur les groupes de Cybelle. Fanpage. Merci, c'est vraiment gentil. Mais là, peut-être qu'il y a Justin Timberlake qui prend la combiné. Non, c'est pas le nom de Gun Dapster. T'as oublié de dire Cher, je pense. Cher, ouais, Cher. C'est ça. If I love you love, no. Mais moi, c'est ça, la vengeance, j'aurais peur des représailles, moi. Parce que clairement, je suis pas assez techno pour être capable de me défendre contre un spammer qui a le goût de m'enculer sur Internet. Là. Mais là, dans nos podophiles, on a une armée de geeks, là. Je veux dire, faut bien préparer ça, puis faut pas que tu sois tout seul. Je comprends ton point, là. Ouais. Parce que moi, mettons, ma vie est plus importante qu'une pub d'Undercore, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais. À ça, tu sais, je veux dire. C'est ça qui joue dans ton compte Facebook, ton accédé. C'est ouais. Ça, tu sais. À un moment donné, j'ai beaucoup d'argent dans des comptes, tu sais. Je t'aurais pas. Mais mets-les sur le compte VK, le site russe des comptes. C'est VK, moi. VK, ouais. VK. Ouais. Comme Vera. Non. Mais j'ai vu que c'est pas partout Val dans Kilmer. Le monde qui utilise Facebook. Là. Il y a vraiment des. Attends, mettons, en Asie, là, ils utilisent un autre réseau social qui s'appelle pas Facebook. Hey, là, ça montre à quel point on est moyen geek. Hein? Oh. Parce que c'est le genre de choses qui se discutent. Là, parce que... Ah ouais. Mais. Ben, ok. Excuse-nous. Je pense que. Quand je m'excuse auprès de la communauté geek de pas savoir c'est quoi les autres réseaux sociaux majeurs. Si vous le savez, tweetez-nous, là. Oui. Ça, on comprend comment ça marche. Oui, vous venez sonner chez nous, là. On est là, dans le milieu de la forêt. Ah, t'en as plein, c'est bon, là, ça. Oui, bon, ça date un peu, je pense. Parce que... non, OK, j'en ai trouvé. Mais tu sais, il y a Bebo. Bebo. Non, mais le chinois... le Facebook chinois, là. Ou le Twitter chinois, je pense, qui est très fort. Mais avez-vous d'autres solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que, sérieusement, c'est dans mes solutions, c'est vraiment d'avoir l'équipe. Ouais. L'équipe. Ça, c'est une plus on se partage, moi, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Puis probablement que... Puis tenir bon pendant que Facebook... Je suis sûr que Facebook est en train de travailler là-dessus. En là, effet. De mettre encore des... À moins que ouais, ça parce les parce qu'il y en avait moins avant, non? Ça. Ouais. Ça les arrangerait comment? Ben, je sais pas, moi, tu sais... Mettons, Mark Zuckerberg veut vendre sa Honda Accord, là. Il va être bien content de pouvoir mettre ça sur tous les groupes, lui. Mais c'est sûr que plus il y a d'utilisateurs, plus ils sont contents. Fait que même si c'est des fake utilisateurs, plus il y en a, plus en théorie, ils vendent la pub, puis plus... Oui, il n'y avait pas ça en pub. Là, il y en a tout le temps, maintenant, de la Moses de pub. Ils sont en bourse, Martin. Ils sont en bourse. Get ripped fast, puis... Ah oui, puis c'est tout comme customisé à tes intérêts, puis c'est un peu même bizarre des fois. Mais tu sais que tu peux dire décalisse la pub. Hein, ah ouais? Ouais, il y a des petits onglets là, tu peux faire non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Puis à un moment donné, j'imagine que tu vas venir au bout des genres de sujets qu'ils peuvent couvrir. Là, mais sur Chrome ou sur en tout cas tu peux rajouter des filtres, oui. Des plugiciels. Oh. Et ça enlève toute la pub. Wow. Ouais, ça enlève la pub, mais des fois ça enlève ton âme aussi. Ouais. À un moment donné, on veut peut-être la voir. Ça, aussi, ça enlève mon métier aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a deux personnes ici qui disparaissent. Exact. Ben non, quatre pas mal. Ouais, quatre pas mal ici qui disparaissent. Ouais. Sinon, moi, une autre solution que j'avais pour Cybèle, c'est d'arrêter de faire de l'impro. Ça, si t'arrêtes de faire de l'impro, t'auras plus à gérer de compte d'impro. Mais il va peut-être avoir d'autres groupes Facebook qui va faire partie, par exemple. Je sais pas si ça fait partie d'un club de films. Arrêtez de faire des films. Arrêtez d'avoir une vie sociale. Ou ancien joueur d'impro. Arrêtez d'être un ancien. OK. Moi, ça te suggère de couper tous liens sociaux. Ben, d'avoir des vrais liens au lieu d'avoir des liens virtuels. Ouais, c'est ça. Sors de chez vous. Puis retourner dans le temps, pas aller à l'école, pas faire de rencontres. Pas... Ah, non, c'est difficile. C'est ça. Dur, là. Oui. Mais déjà, en commençant à trouver la machine à voyager dans le temps, là. Mais je pense qu'il y a un gars qui en vend une. J'ai vu ça sur, sur le groupe. Sur le groupe de la limonade. Ah oui, c'est vrai. Gwendoline Midget. Hey, on fait de la pub pour la limonade, là. Ouais. Et on a-tu d'autres groupes qu'on veut plugger? Venez voir la lime. Mais sur le groupe de la lime, là, ouais. On voit pas de la Moses de pub. Il travaille fort là-dessus, Mathieu. Là. Ah ouais? Je fais ça, là. C'est une job à temps plein. Oh, juste pas dire ça à tes patrons. C'est une job de fin de semaine. Mais, ah ouais, pourtant, j'ai pas vu ça. Non, mais ouais. Sinon, les groupes privés là, qui te demandent là, qui veut faire partie du groupe, là, t'es joué dans le petit coin. Là, fait que tu sais, là, normalement, ils ont un nom assez loufoque. Là. C'est ça. Non, mais c'est que les noms sont devenus moins loufoques. Et même, je trouve qu'il y a des noms qui sont plus québécois aussi. Oui, c'est ça. C'est justement le Pauline Gay. Mais c'est P-O-L-I-N-E. Ouais, c'est louche. À partir du moment que j'ai dit « Oui, j'accepte que tu sois dans le groupe, bang, une pub d'un dog. » Des fois, là, dans les secondes. Mais c'est quoi la crosse qui vient avec l'Andacan? C'est vraiment pas juste une malheureuse fille qui veut vendre son char? Je sais pas ce qu'ils veulent. C'est peut-être aller chercher tes coordonnées ou des affaires même. Là. Ou de l'argent pour le shipping, tu sais, des choses comme ça. Ouais, souvent, ils faisaient ça. Souvent, des affaires d'argent de shipping. Envoie-moi l'argent tout de suite du shipping, puis je vais t'envoyer ça. Des fois, il y a une marge. Genre, jeter trop donné d'argent pour le shipping, envoie-moi ça, puis le chèque était gelé. Attends, je sais, j'ai une solution. Écoutez la facture de 2007 où le vieux Pépin se fait pogner au téléphone. Les culottes baissées. Hameçonnage. Non, non, il se fait hameçonner. Juste à taper ça tel quel sur Internet. Là. Le bonhomme, hameçonnage. Ouais. Oui, c'est ça. Vieille facture de 2007. Écoutez ça, puis retrouvez qui était responsable de ça, puis partir de là pour retrouver tous les spams. Oh, oui. Parce que ça doit, c'est sûr que c'est le père de Pauline qui faisait ça. Tu sais, ça doit être de père en fille ou ça. C'est... Ouais, les télémarketeurs. Ouais. Fait que Facebook est assez répandu à travers le monde. On a aussi, attends, donnez-moi, Orkut. Orkut, très bon. Oui. Au Brésil, V-Contact. V-Contact. En Russie. En Russie. Ouais. C'est ça, en Inde aussi, on a Orkut. Il y a Friendster, Mixi, i5, en tout cas. Une bonne clé de Mixi, je pense. C'est le fun. Mixi, oui. C'est les souris à vélo. Puis d'autres choses que je ne suis pas capable de dire. Bon, voilà. Ben, Friendster, c'est juste des fans de Jennifer Aniston. Ah ouais? Puis Orkut, c'est. regarde-moi ma coupe de cheveux. Bon, le blitz final, messieurs, là, il faut que... Audrey Toto! Audrey Toto! Audrey Toto! Oh, Guillaume qui sort sa fin. Audrey. Audrey Toto. Audrey. Alors, j'ai demandé à Audrey Toto. Mais... Audrey. Toto. Mais peut-être utiliser... Mais... Je sais pas, tu sais, on parle toujours de crise et opportunité, pas de problème, mais utiliser les infos qu'on a sur cette personne-là, puis essayer d'en faire de l'argent. Les t-shirts de Pauline. Ah oui? Oui, tu prends sa photo, tu c'est la... C'est drôle. Un peu comme le gars de Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, là, qui a profité de ça pour vendre des t-shirts. Faire des tournées de bar. Ouais. C'est sûr que c'est pogné au moins une fille grâce à ça, mettons. Tu sais. Pauvre fille. Pauvre fille. Ouais, ben c'est... Si vous la connaissez, appelez-nous. Ouais. Pauvre elle. C'est pas le roi du visage, mettons. Non, là, il était hideux. Mais c'est quand même pogné Audrey Toutou. Ah oui, c'est elle. Oui. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Audrey Toutou. Non, mais si vous voulez des t-shirts, hein? Nous, on en a un. Oui, on en a un beau t-shirt, votre problème. Rendez-vous sur MrDressUp.com et commandez qui un t-shirt de pas de problème, mais qui d'autres t-shirts aussi. Hein? Il y en a plein à vendre. Oui, ils sont jolis. J'allais dire, là, peut-être que le hacker derrière Pauline, tout ça, là, c'est peut-être justement un hacker informatique, tu sais, qui fait de l'argent, puis qui est intelligent, puis qui est une personne le fun à connaître. Tu sais. Fait que peut-être même que Cybèle peut en faire un ami, et qui sait, peut-être plus. Un amant? Trouver l'amour. Trouver l'amour. Wow! En code binaire. C'est une bonne suite de chanson, ça, trouver l'amour en code un binaire. 0, 1, 0. C'est le code de l'amour. 0, 1, 0. Audrey Totou. À vos solutions préférées? Ma solution préférée, moi, Fred, on l'a dit tantôt, et puis c'est vraiment de la lessiver en achetant tous ses chars, en prenant tous ses prêts, à maner quand elle n'aura plus rien. Elle va sacrer patience à tout le monde. Moi, je pense que c'est la vengeance. Allons-y pour la vengeance. Je le ferai pas personnellement parce que j'aurais peur. C'est un peu moumoune. Mais Cybèle, elle a du guts, elle est capable. Vengeance. Moi, c'est l'armée d'admin. L'armée d'admin. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans Je pense qu'on va faire ça pour pas de problème. Ouais. Et aussi, moi, j'irais pour le concours de meilleures répliques. J'aime bien ça parce qu'on a du monde funné. Peut-être toutes les accepter. Oui, oui, puis en plus ça, oui. Puis de toute façon, ils se font enlever. À un moment donné, quand on les accepte, ils se font enlever d'un autre groupe, puis ils meurent tout seuls. Ils meurent de leur belle mort sur notre groupe. Peut-être, c'est ça, une solution. Les accepter. Ouais. Accepter tout le monde. Comme ils sont. Oui. Bing, puis il y a un autre groupe qui va s'en charger pour toi. Ouais. Parce qu'ils essayent plein de groupes. Mm. Mais ça peut être drôle de faire les funérailles de Pauline Gay aussi. Oui, non, mais au lieu de dire, regarde, j'achète ton char, mais viens voir mon match d'impro. C'est pas fou, ça. Ça revient cher, par exemple. Mmh. Ouais. Non, parce que. J'espère qu'elle a des chars moins chers. Non, mais j'y pense, là. Je veux dire, Cybèle, là, à force d'efflocher, a fait la job que quelqu'un d'autre pourrait faire. Laisser aller les plus zélés que nous. Ouais, c'est vrai. Faire ça. Il y aura peut-être qu'il y a ça de laisser un délai, tu sais, avant d'accepter qui que ce soit, laisser un délai de genre 2 semaines. Ouais, c'est pour voir s'il est mort. S'il existe encore au bout de 2 semaines. Ben, c'est plat pour quelqu'un de vrai qui a vraiment envie de laisser les autres groupes s'en charger, c'est bon ça. D'ici, si ce groupe-là est sur d'autres groupes, puis d'autres groupes vont se tanner. Fait que laisser 2 semaines, c'est bon. Ouais, voir si ça existe encore. C'est peut-être notre nouvelle politique. Pauline existe encore. Et nous, on vous donne rendez-vous le 8 octobre pour le prochain enregistrement devant public au bar Les Passages, 951 Rachel Est. 20h. Oui. 3 problèmes. C'est notre spécial 3 semaines avant l'Halloween. Donc, être juste un petit peu déguisé. Déguisé jusqu'aux chevilles. Et n'oubliez pas, pour voter pour nous, 5 étoiles ou rien sur baladoquebec.com et sur iTunes. Oui, ne faites pas une erreur. Non, on en parle à chaque podcast et je regrette amèrement. Ah oui, puis j'avais dit que je passais au banquier, puis je pétais un lutrin. Oui. Puis ils nous ont switché avec Star Academy. Oh! Non. Oui. Fait que là, tu vas repasser. Je pense en octobre. Mais j'avais dit ça. Mais bref. Pète un lutrin. Hey, je vous rappelle de vous enregistrer sur vos vos téléphones intelligents. Oui. Enregistrez-vous et envoyez-nous ça sur podproblème@gmail.com. Vos problèmes ou vos solutions pour des problèmes qu'on a déjà traités. Et on avait de quoi sur Twitter? Oui, on en a quelques-uns. Il y a JB Gagné qui a écrit « Embaucher un détective privé pour faire le lien entre le conte et la vie, la vraie vie. » On a Maxime Duclos « Créer un conte de la NSC et tu leur fais des menaces. » C'est ça. Bon, ben, parfait. C'est quoi la NSC? La NSC, c'est aux États-Unis ceux qui écoutaient tout le monde. Là. Oh! Ceux qui t'écoutent toi aussi, Mathieu. Ah ouais? Qui ont tous des fichiers sur toi. Tu penses-tu? Oui. Beaucoup plus que nous autres, en tout cas. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que t'en as fait des affaires croches, Mathieu. Vous pensez? Ils ont toutes. Mon Dieu. Ils sont capables de savoir avant toi si t'es enceinte. J'aurais pas dû voler les décors d'Inimini Magimo. D'Inimini Magimo. Raconte une histoire. Audrey Magimo. Voler un décor. D'Inimini Magimo. Et des personnages. Merci, Boili Boileau. Hey, ça me fait plaisir. Et merci, baladoquebec.ca. Oui. 5 ou rien partout. Le mot de la fin. Non, j'avais une autre chose à dire, ouais. Il me semble. T'avais pas le mot de la fin? Oui, non, j'avais toute autre chose à faire à dire. La lime dès le 6 octobre. Ouais. Oui, oui, là, ça sort le 4, ça. Là. Oh. Ouais, OK. Non, j'avais d'autres choses à dire. Il me semble que j'avais une autre chose à dire. Je peux me dire pour notre voix. OK. Vous avez un problème? Nous avons un podcast!